Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو à la discothèque à la discothèque هل هذا المكان غير محجوز؟ Est-ce que cette place est libre? Est-ce que cette place est libre? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Puis-je m'asseoir à côté de vous? Puis-je m'asseoir à côté de vous? بكل سرور. Je vous en prie. Je vous en prie. كيف وجدت الموسيقى؟ Comment trouvez-vous la musique? Comment trouvez-vous la musique? عالية قليلاً. Un peu trop forte. Un peu trop forte. لكن الفرقة تعزف جيدة جداً. Mais le groupe joue très bien. Mais le groupe joue très bien. هل تأتي مراراً إلى هنا؟ Venez-vous souvent ici? Venez-vous souvent ici? Là, هذه هي المرة الأولى. Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. لم أكن هنا من قبل أبدا. Je n'y étais encore jamais venu. Je n'y étais encore jamais venu. هل تريد أن ترقص؟ Voulez-vous danser؟ Voulez-vous danser؟ ممكن لاحقاً. Plus tard peut-être. Plus tard peut-être. لا أستطيع أن أرقص جيداً. Je ne sais pas très bien danser. Je ne sais pas très bien danser. هذا سهل جدا. C'est très simple. C'est très simple. أنا أريك. Je vous montrerai. Je vous montrerai. لا, في المرة القادمة. Non, plutôt une autre fois. Non, plutôt une autre fois. هل تنتظر أحدا؟ Est-ce que vous attendez quelqu'un? Est-ce que vous attendez quelqu'un? نعم, أنتظر صديقي. Oui, mon ami. Oui, mon ami. ها هو يأتي هناك بالخلف. Il arrive juste derrière nous. Il arrive juste derrière vous.